Analyse du 18 juin 2023. Thierry Pirlo, cher Pawan. Quand Charles me gave. Vous trouverez un lien vers une émission Charles Gave chez Berkoff dans le descriptif de ce podcast. J'aime bien écouter Charles Gave une fois par mois chez Berkoff. Sauf qu'à chaque fois, j'ai toujours le goût de trop peu et l'impression qu'il enfonce des portes ouvertes quand il parle de Trump, de son parcours et de ses déboires depuis 2015 à aujourd'hui. Pourquoi ça? Eh bien, parce que Gave n'a aucune idée ni connaissance de l'existence de l'Alliance et d'un plan dont Trump fait partie intégrante. Il ne peut se baser que sur son expérience, ses connaissances et ses capacités d'analyse pour essayer de comprendre le parcours semé d'embûches du capitaine, cible des démocrates US. Ce qui échappe à Gave, c'est que tout, je dis bien absolument tout, procède du plan et des tactiques militaires de l'Alliance qui se fondent sur l'art de la guerre de Sun Tzu. Il faut savoir qu'un président aux États-Unis fait en général deux mandats de 4 ans, soit 8 ans. Pendant les 2 premières années, le nouveau président se relève doucement des coups reçus durant la bataille de la campagne. Le public, lui, est dans l'expectative et divisé en général, le temps que le nouvel arrivant prenne ses marques. Un peu comme quand tu débarques dans un tout nouveau job pour apprendre un tout nouveau métier. Les 2 années suivantes, le président prend son rythme de croisière et commence à mettre en œuvre les mesures promises dans son programme. À la fin du premier mandat, s'il n'est pas réélu, toute son action aura été vaine, car le suivant va s'appliquer dans la foulée à détruire tout ce qui aura été mis en place pendant les 2 années précédentes. Par contre, s'il est élu, pour 4 ans, c'est le jackpot, parce qu'il sera alors en mesure de faire tout ce qu'il a promis et appliquera son programme à 200 à l'heure au cours des 4 années suivantes. En général, les présidents font donc 8 ans à la Maison-Blanche. Or, Trump n'a eu que 4 ans, donc impossible pour lui de changer quoi que ce soit. C'est la vision de Charles Gave. Ce n'est pas celle des Anon de Q, et donc pas la mienne. Ma vision est que Trump, dès l'instant où il est monté sur le ring en 2016, en lieu et place d'Hillary Clinton, est entré directement dans le vif du sujet, sans perdre une seule seconde sur ses 4 ans à venir, étant le fer de lance d'une machinerie complexe, celle de l'Alliance militaire. Soit 4 ans pour tout changer, prendre tous les coups possibles et faire face aux pires trahisons des démocrates et de celle de toutes les agences à 3 lettres. Il a été aidé pour faire face à cela. En 2017, il reprend les commandes de l'Arabie Saoudite, de la Corée du Nord, de l'Angleterre, d'Israël, du Vatican, de la City de Londres, et même de la France, de l'Allemagne et de Bruxelles. En 2020 a lieu la fraude Dominion, initiée par les pays alliés de l'OTAN sous la direction de la CIA. Trump laisse le renard entrer dans le poulailler avant de bloquer toutes les portes de sortie et être en mesure de tout remettre à la justice de son pays. Biden prend sa place durant les 3 premières années, fait regretter aux démocrates d'être démocrates et de l'avoir placé à la tête du pays. Joe Biden est le pire président jamais élu. Ce en quoi il contribue au plan d'exposition de l'Alliance. C'est l'Alliance militaire qui a placé l'acteur sosie Biden au pouvoir, le premier ayant déjà été exécuté depuis belle lurette pour haute trahison. Pendant ces 4 années de présidence Biden, le plan se met doucement en place de façon à exposer au grand jour le Deep State et le Nouvel Ordre Mondial, ainsi que leur machiavélisme. En 2024, retour de Trump pour 4 ans, voire 8, pourquoi pas, pour la concrétisation du plan. L'art de cette guerre va consister pour l'Alliance à disposer non pas de 2 fois 4 ans, soit 8 ans, pour vider le marais et changer le monde, mais de 3 fois 4, soit 12, voire 16 ans, si Trump refait 2 mandats l'un derrière l'autre en changeant la Constitution par un vote populaire. Vous le voyez, le lapin blanc? Il est tout à fait possible que depuis l'arrivée de Biden, Trump ne soit en fait jamais parti et qu'entre 2 parties de golf, il dirige les USA en coulisses avec l'armée depuis 2016. Ce qui serait cohérent avec un système de dévolution et de continuité du gouvernement en temps de guerre suite aux fraudes de 2020. De plus, il faut savoir que le gouvernement américain est en état de guerre depuis le 11 septembre 2001, à l'époque sous le commandement du Deep State. Cela, peu de gens le savent. Trump aura donc fait 12, voire 16 ans au pouvoir lorsqu'il terminera le travail. Cet homme est un génie. Cela va nous mener en 2028, voire en 2032, fin du mandat de Trump ou de JFK Jr. Qui sait? Je vois la fin de l'histoire et le début de la nouvelle humanité possiblement en 2025, dès la première année du deuxième mandat de Trump. Cette vision de l'histoire, ni Charles Gave, ni les géopoliticiens de plateau ne l'ont et ne peuvent tout bonnement pas la concevoir, à l'instar de tous ces médias, virologues ou encore astronautes, qui sont convaincus de détenir la seule et unique vérité, enseignée tout au long de leurs études supérieures biaisées. Juste se conformer aux dogmes, ne pas sortir des sentiers battus, ce qui tue dans l'œuf toute velléité d'imagination, d'ingéniosité et de rébellion. Pour ma part, je suis un autodidacte qui n'a besoin de personne et encore moins de Charles Gave pour comprendre le monde qui m'entoure. Je fais partie de la minorité pensante, celle que personne n'écoute mais qui change le monde de façon positive pour espérer un jour changer l'histoire de l'humanité. Where we go one, we go all. Sherpa One.